17h06 minutes, on parle avec Raymond Poirier de l'Institut de technologie de l'information et société. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Alors tu nous parles, qu'est-ce qu'on va surveiller pour 2012? Il y a pas mal de choses finalement. Je suis tombé sur cette étude-là qui est bien intéressante. C'est qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels en entreprise et évidemment du côté de la recherche, on devra miser dans le fond dans le développement, dans la réflexion. Et notamment en fait, un élément qui est à surveiller, c'est la notion des services fondés sur le contexte. Alors ça constitue une tendance technologique émergente. Le monde réel et les données numériques vont être regroupés. L'idée étant de ne pas seulement savoir ce que vous voudriez acheter, exemple si on parle de vente, mais de savoir qui vous êtes, savoir qu'est-ce que vous faites et pouvoir donc à travers ça donner une expérience extrêmement soutenue aux consommateurs. Donc en utilisant d'un côté la géolocalisation, de l'autre côté peut-être des données qu'on est en mesure d'aller grappiller dans les médias sociaux. Donc de pouvoir mieux bâtir une relation entre le produit et l'acheteur. Et l'augmentation, justement, de ces services-là, fondée sur le contexte, est imminente et est rendue possible par cette convergence-là de nombreuses sources d'informations contextuelles, leur accès facile, les téléphones intelligents, l'expansion de l'informatique en nuages, l'explosion de la participation aux médias sociaux, etc., etc. Mais Raymond, ce côté-là de la vente, on le voit souvent comme méchant, comme le diable. Oh mon Dieu, avec les réseaux sociaux, sont capables de cibler, si on dit j'aime à une page, bon, ils savent qu'on aime les produits, mais est-ce qu'en tant que consommateur, ce ne serait pas une bonne chose? Parce qu'on a des besoins quand même. On doit acheter, par exemple, des aliments, des vêtements. Et si le vendeur sait ce qu'on a de besoin et vient nous le dire, il me semble qu'on sauve du temps. On sauve peut-être d'acheter des choses qu'on n'aurait pas vraiment voulu ailleurs. Il me semble que c'est pas si démonisé que ça. Mais en fait, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Il y a des réflexions éthiques, bien entendu, à avoir par rapport à la notion de vie privée. Parallèlement, par contre, il faut se dire, quand on clique « j'aime », quand on écrit un quelque chose sur Twitter, ça relève aussi du public. C'est des données qui sont, de manière générale, accessibles. Alors, faut avoir aussi conscience que ces gestes-là comportent, ils peuvent avoir d'autres ramifications que simplement, justement, le petit clic à proprement parler. Parallèlement, c'est certain aussi que la publicité ciblée, ça existe déjà sur Facebook, notamment en fonction de nos intérêts et le reste. Alors, il s'agit essentiellement de trouver des ramifications dans le monde réel, entre guillemets, à des procédés qui sont déjà utilisés dans le contexte virtuel. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Ça reste à voir. Mais parallèlement, ce qu'il faut se dire aussi, ça fait partie des tendances qui ont été ciblées par Accenture, c'est que toute la notion d'élément social deviendra de plus en plus importante, autant dans la vente que dans le service après-vente. Donc, cette idée que pour les entreprises comme pour les acheteurs, on va s'attendre de plus en plus à avoir une rétroaction sur le moyen terme, le long terme, avec justement ces médias sociaux-là, avec Twitter, Facebook et le reste. Donc, l'idée étant de pouvoir commenter, de pouvoir questionner, de pouvoir réagir, de pouvoir critiquer. Et pour l'instant, il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau autant des entreprises que des gouvernements pour réussir à bien s'adapter à cette nouvelle demande formulée par les consommateurs qui en veulent plus parce qu'il y a possibilité d'en avoir plus. Et justement, même peut-être la notion de service avant-vente dont on parlait tout à l'heure, ben, peut rentrer dans ce plus qui est souhaité par certains. Mais on renforce le lien avec le client, mais on veut aussi que le lien soit renforcé avec le vendeur, dans l'autre sens. Et oui, et dans ce contexte-là aussi, Tania, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a de plus en plus de données qui sont générées à l'extérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise aussi, il y a de plus en plus de données qui sont générées. Et un autre élément qui est mis de l'avant par Accenture, c'est l'idée de bien les gérer, ces données-là. Donc, on a beaucoup d'informations, mais si on n'est pas capable de bien l'utiliser, cette information-là, essentiellement, ne servira à rien. Alors, d'un côté, il faut que les architectures de données changent pour faire mieux les liens entre les bases nouvelles et anciennes, entre les différents formats. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de recherches, notamment, qui ont été faites dans les dernières années pour favoriser les ponts entre les différents types de fichiers, les différents formats. Mais il y a aussi les données qui étaient produites il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui ne sont plus nécessairement compatibles avec les données d'aujourd'hui, mais qui peuvent, par contre, être utiles. Il faut les stocker, mais il faut les garder aussi accessibles aux besoins. Parallèlement, si on a plus de données à gérer, bien, il faut se donner aussi un service de données qui est industrialisé, donc pour pouvoir aller développer des applications, des approches et pouvoir facilement et surtout rapidement avoir accès à ces données-là, parce que si on n'a pas d'infrastructures qui sont viables, eh bien, ça va prendre beaucoup trop longtemps, ça ne sera pas du tout efficace, et nécessairement, en fait, on le voit au fil des chroniques, de toute façon, la tendance actuellement, elle est à l'efficacité, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit efficace. Et dans ce contexte-là, ben, il faudra donc développer donc des éléments peut-être un peu plus industriels dans la gestion des bases de données. Et l'idée, au bout du compte, dans ça, ce sera d'apprendre à gérer les données différemment, non pas en fonction de qui en est propriétaire, qui peut faire des mises à jour et qui peut les effacer, mais plutôt essayer de bonifier cette valeur-là, de la rendre également disponible à ses clients internes ou externes, bref, à lâcher prise. Un peu sur les données non sensibles, évidemment. Ça se fait de plus en plus, d'ailleurs, au niveau des administrations municipales. Il y a la Ville de Québec, il y a quelques semaines, qui a rendu public ces données de manière plus généralisée, même quelques mois. Et il y en a d'autres qui vont suivre. Il y aura de plus en plus de données aussi qui seront comme ça accessibles. Alors ça serait intéressant à voir. Et évidemment, dans ce contexte-là aussi, pour l'entreprise, on parle de plateforme agile. Donc, l'idée étant de permettre aux entreprises de facilement pouvoir mettre à jour et faire progresser leur matériel sans être obligé de tout mettre à bas. Donc, l'idée d'une plateforme agile, c'est vraiment de pouvoir la faire évoluer de manière souple, au bout du compte, sans causer de problème. Commencer au complet. Exactement, que ça coûte excessivement cher, que ça prenne beaucoup trop de temps. Donc, bref, tout ce qui fait que ça ne serait pas, au bout du compte, efficace. Il y a une question de sécurité aussi dans tout ça? Ben oui. Enfin, on n'a pas le choix de passer à côté. On le voit de plus que jamais, mais je pense depuis un an, c'est des préoccupations qui sont de plus en plus suivies. Oui, pour les ordinateurs, mais aussi de plus en plus pour tout ce qui est informatique. Donc, cette idée, c'est que les entreprises risquent de faire face, selon Accenture, à des risques qu'elles n'avaient pas imaginés au départ. Oui, donc, on pense d'emblée au téléphone mobile, aux tablettes, qui risquent d'être sujette à de l'intérêt peut-être un peu plus soutenu des créateurs de logiciels malicieux. Mais Accenture dit aussi, pensez aux autres types d'informatique. On en a parlé il y a quelques temps, l'informatique embarquée, par exemple. Mais pourquoi pas aller chercher des virus pour les véhicules automobiles, pour les ordinateurs de bord qui s'y trouvent. Il y a des pirates informatiques qui ont réussi à intégrer du code dans ce type d'ordinateur-là en piratant des signaux sans fil provenant de capteurs mis au point pour prévenir des conducteurs en cas de crevaison. Donc, les pirates informatiques sont de plus en plus sophistiqués, les attaques vont être de plus en plus fréquentes et les concepteurs devront aussi rester de plus en plus vigilants autour de ça. Donc, c'est pas toujours des développements positifs, il y en a beaucoup, mais celui-là peut-être un petit peu plus négatif, mais il s'agit de bien s'y préparer également. Ça, c'était une première étude, tu nous en présentes une autre. Oui, en fait, c'est tout ça, bien entendu, on a parlé aussi en fin d'année 2011 de choses qui s'en viennent. Je me suis dit, avec quel argent l'entreprise privée pense vouloir faire ça? C'est quoi un peu les investissements qui sont prévus? Je suis tombé sur une étude de la firme Gartner qui présente un peu les priorités d'investissement en TI. Et ce qu'on retient de ça, c'est que ce sera une année de consolidation de manière générale. Il n'y aura pas une très grosse hausse à l'échelle internationale des dépenses dans le domaine. On parle de 0,5% à l'échelle mondiale. En Amérique du Nord, une diminution de 0,6%. Par contre, de manière générale, donc en termes de priorités technologique, on parle notamment d'investissement en mobilité, donc qui continue évidemment de prendre de plus en plus d'emphase. On prévoit qu'en 2012, les livraisons d'appareils mobiles vont doubler celles des PC traditionnels. Ça, c'est d'après les chiffres d'une firme qui s'appelle IDC. Il y aurait plus de 700 millions de téléphones intelligents et tablettes numériques qui vont être vendus. C'est une hausse substantielle de 34%. Pour la première fois également, les appareils mobiles vont produire plus de revenus que les ordinateurs personnels au Canada. Alors, ça, c'est quand même pas rien. Également, donc, oui, un changement culturel au niveau du développement d'applications, un changement culturel au niveau des investissements, du développement de systèmes. Mais ce que certains spécialistes notent, c'est qu'il risque d'avoir aussi un changement de paradigme en matière de mobilité quand ça va devenir la référence, quand ça va devenir normal d'avoir accès partout à Internet. Eh bien, dans ce cas-là, il pourrait avoir des transformations peut-être un peu plus en profondeur qui vont être amorcées parce que ça va vouloir dire que le système, à un certain degré, va être au point. Il y a aussi toutes les questions d'informatique en nuage ou cloud computing. Donc le fameux cloud. Le fameux cloud. Donc, l'idée, en fait, d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de nouvelles entreprises qui n'achètent plus de serveurs aujourd'hui, qui achètent de l'espace dans des clouds. Donc, les petites entreprises en technologie l'ont déjà intégré. C'est pas encore le cas des grandes entreprises. C'est encore moins le cas de d'autres entreprises dans des secteurs un peu moins technologiques. Par contre, de plus en plus, ça risque de devenir une une nécessité peut-être au niveau des coûts, des possibilités d'épargne également. Par contre, il faut développer des systèmes, il faut bien gérer la sécurité et le reste. Alors ça, ce sera à surveiller aussi côté investissement. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure, toute la notion des médias sociaux, des réseaux sociaux, c'est aussi incontournable de ce côté-là. D'ailleurs, en fait, je vous cite, c'est Sylvain Carl qui réagit à ça dans un magazine qui s'appelle Direction informatique. Le lien, évidemment, est dans les revues de presse sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Alors, lui dit, cette année, on remettra davantage en question les façons de faire non numériques. Cette tendance va s'accélérer en 2012 en raison des réseaux sociaux par lesquels toute communication devient potentiellement bidirectionnelle. Nous sommes maintenant sortis de l'époque du broadcast média. À l'ère des réseaux sociaux, on s'attend à obtenir une réponse en matière de soutien à la clientèle, notamment. Alors, il faudra que les entreprises soient en mesure de réagir rapidement et efficacement pour répondre à ces besoins-là aux autres. Et on voit donc déjà les priorités qui se dessinent. Évidemment, priorité pour l'entreprise, je veux le dire aussi, en recherche, que c'est des axes qui sont déjà développés, qu'ils seront assurément là, au fil de l'année 2012. Pour répondre aux besoins, ça prend des gens derrière les ordinateurs pour travailler là-dedans. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle, mais encore une fois, on parle des diplômés en technologie de l'information qui sont très en demande. Et oui, on enfonce le clou, Tania. On enfonce le clou sur ce dossier-là. Ceux qui cherchent des jobs, là, on le dit encore. Oui, c'est ceux qui c'est une réorientation de carrière, là. Et on a une belle section, d'ailleurs, sur le site de l'ITIS, formation, là, allez voir, il y a une trentaine de programmes hyper spécialisés en pays. Ça peut vous donner des idées. Il y a aussi le magazine Les carrières d'avenir de Jump Boom, qui a été publié récemment, qui revient là-dessus, qui nous aide à enfoncer ce clou-là. Ils disent que, de manière générale, les divers programmes d'enseignement collégiaux et universitaires en lien avec les TI, à travers le Québec, ont reçu jusqu'à 16 offres d'emploi par diplômé en 2011. Donc, c'est beaucoup. Ce qu'on dit également, c'est que d'ici 2014, le Québec va avoir besoin de 2200 analystes et consultants informatiques, 400 gestionnaires de systèmes informatiques, 400 ingénieurs électriciens et électrotechniciens, 250 ingénieurs informatiques, 125 ingénieurs logiciels, et ça, c'est simplement pour ce pan des spécialisations en technologie de l'information. Alors, il y a énormément de demandes. Je pourrais vous continuer longtemps à vous citer des chiffres comme ça, mais donc ce qui est dit de manière générale, c'est que les perspectives sont extrêmement bonnes pour les finissants des programmes d'enseignement en les étudiants sont bien placés également. Il y a beaucoup de besoins. Il y a pas encore assez de filles, par contre, dans ces domaines-là, semble-t-il, si on fait les statistiques. Alors, il y a donc, je le répète, un besoin là-dessus, surtout dans le contexte où le nombre de diplômés, exemple au collégial au Québec, est en baisse constante en 2003-2009. Donc, ce qui fait que ça a renforcé aussi de plus en plus les besoins. Il n'y a pas eu assez de cohortes dans les dernières années. Alors, il faut évidemment le penser de manière soutenue à renverser la tendance. Alors, pensez-y. Pensez-y, vous êtes en train de chercher là, un autre travail, réorientation de carrière, comme tu le dis. Oui, si on est au collégial ou à l'universitaire, je veux dire, il y a des applications et des ramifications qui peuvent être faites aussi entre certains domaines et les technologies de l'information, parce que ben, on le voit un peu dans les axes de recherche des chercheurs affiliés à l'ITIS, je veux dire, ça va partout aussi, tout est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies de l'information. Oui. Donc, tout élément peut avoir une ramification vers ce domaine-là, qu'on parle de culture, de santé, d'affaires, d'enseignement, de développement durable, etc., etc. Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je rappelle aux gens que si on veut réentendre les chroniques qu'on fait tous les lundis, c'est possible. Oui, au www.itis.ulaval.ca. Allez dans notre section Actualité TI, vous allez trouver tout ça. Et nous, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Raymond.